Chapitre 5e. Il était nuit. L'heure du coucher était sonnée depuis longtemps à l'horloge des bénédictines de Moret. Et cependant, un petit pavillon isolé qui s'élevait à l'extrémité du jardin du monastère laissait échapper par ses fenêtres entr'ouvertes une vive clarté. En ce moment, un homme se glissait avec précaution et en silence sous les massifs de verdure qui entouraient le pavillon. Quand il fut proche de l'une des fenêtres du rez-de-chaussée, d'où partait une flottante traînée de lumière, il atteignit presque en rampant la muraille. Là, caché par des branches de vigne et de clématite, il darda son regard brûlant dans l'intérieur de cette mystérieuse retraite. L'ameublement en était simple et austère, comme il convient dans un cloître, et cependant, cette austérité même n'excluait pas une certaine élégance et même une certaine richesse, qui laissait deviner que l'habitante de ce pavillon n'était pas une religieuse ordinaire, et que la sévérité de la règle avait dû céder devant des considérations toutes mondaines. Trois religieuses étaient en ce moment dans cette cellule, vêtues toutes les trois uniformément du costume des bénédictines. Deux d'entre elles semblaient être des sœurs converses, et la troisième n'était autre que cette mystérieuse Moresse que nous avons déjà mise en scène bien des fois. Ses traits avaient grossi. Des rides profondes faisaient ressortir encore davantage son teint basané. Sa robe et son voile noir achevaient de donner un caractère d'étrangeté à toute sa personne, et cependant, il y avait encore dans son regard, dans son sourire, quelque chose de fier et de dédaigneux qui rappelait des habitudes de commandement et la conscience d'une haute origine. Une conversation assez animée se poursuivait entre les trois femmes. « Oui, ma sœur, » dit d'un ton patelin une des converses, « nous n'avons plus d'espoir qu'en vous. Si vous ne vous servez pas de votre crédit sur Madame Lavesse, cette méchante sœur Ursule va être nommée trésorière du couvent, et songez quelle désolation ce sera de notre sainte maison. » « Elle est avare, rancunière, jalouse, » reprit l'autre converse avec volubilité. « Et d'ailleurs, vous avez pu remarquer, ma sœur, qu'elle n'a pas pour vous les attentions qui vous sont dues. Elle a dit une fois qu'elle ne voyait pas pourquoi on prenait tant de soin de certaines personnes qui ne sont pas plus que les autres devant Dieu. » Que sous le voile, on ne devait pas conserver d'orgueil, et qu'enfin, on faisait un péché mortel, en ne suivant pas la règle sous prétexte qu'on recevait des visites mondaines. « Elle a dit cela ?» demanda la Moresse, dont les yeux s'allumèrent. « Oui, ma sœur, et beaucoup d'autres choses encore, que je ne puis répéter de peur de manquer de charité. Sœur Amélie, au contraire, est si douce, si affable, si économe. Elle fera une si bonne trésorière. Elle vous aime tant. « Écoutez, mes sœurs, » dit la Moresse avec vivacité en interrompant les deux converses, « je vous donne ma parole que sœur Ursule ne sera pas trésorière. »« Oui, sœur Marie, mais vous oubliez qu'elle est protégée par Madame Lavesse et par le père Durval, notre directeur. Et qu'importe ?» dit sœur Marie avec un accent de fierté étrange. « Moi, je protégerai sœur Amélie et nous verrons bien qui l'emportera. » « Oh, si vous le demandez, ma sœur, Amélie sera nommée !» s'écrièrent les deux converses en même temps. « On ne peut rien vous refuser ici. Comptez sur ma promesse !» dit la Moresse d'un ton légèrement ému par la colère. « Et maintenant, mes sœurs, » ajouta-t-elle, « il est tard. Allez prendre un peu de repos. Si j'ai besoin de vous, je vous sonnerai. Ne m'oubliez pas dans vos prières du soir. » Les deux converses saluèrent humblement et disparurent par un petit escalier pour gagner l'étage supérieur du pavillon. « Ah, sœur Ursule veut être trésorière !» répéta la Moresse en se levant. Une voix grave et austère qui s'éleva derrière elle la fit tressaillir. Sont-ce là les pensées qui doivent occuper la fille d'un roi et d'une reine de France ? Demanda Fontmort avec une amère ironie. Sœur Maria se retourna brusquement. Elle ne put reconnaître dans ce vieillard courbé et maladif celui qu'elle avait connu si jeune et si beau. La surprise et l'effroi allaient lui arracher un cri quand Fontmort la saisit par le bras. « Silence ! Au nom de votre pauvre mère qui a tant pleuré !» lui dit-il à voix basse. « Qui êtes-vous ? » répondit Maria de même. « Qui êtes-vous, vous qui savez les secrets si terribles et si lourds ? Que me voulez-vous ? Pourquoi êtes-vous ici à cette heure ? Bien peu d'hommes, Maria, peuvent vous adresser les paroles que je viens de prononcer. Vous ne devinez pas. » La Moresse se laissa aller dans son fauteuil en répétant avec terreur. « Fontmort, Fontmort !»« Oui, c'est bien moi. Vous n'avez pas encore oublié mon nom, ma sœur. Quoique vous n'ayez jamais pensé sans doute qu'une nuit j'apparaîtrais dans votre cellule, pour vous rappeler le passé. « Que voulez-vous de moi ?» demanda l'amoureuse avec angoisse. « Ce que je veux, Maria ?» répondit Fromor avec une sombre énergie. « Je vais vous le dire. Mais d'abord, que signifie ce costume, ce cloître, ces vœux que vous avez faits ? Maria, de quel droit vous êtes-vous donné au Christ, vous qui étiez unis à moi, par les liens les plus sacrés ?» Ce mariage ne pouvait être valable. D'ailleurs, le pape, y avait-il une puissance au monde, capable de rompre le nœud qui avait été formé devant Dieu ? Ce n'est pas tout. Écoutez encore. Pendant que vous étiez ici, Maria, recevant les hommages des princes et des princesses de votre royale famille, qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous dit ? Pour adoucir le sort de votre époux qui gémissait dans les cachots mortels de la Bastille ? Charles, on m'a trompé. On m'a dit que vous étiez en exil, loin de la France. Puis on m'a annoncé que vous aviez péri. Écoutez, Maria, le jour où je vous ai trouvé confondu comme perdu dans cette cour immense, je me suis dévoué à vous tout entier. Je viens vous demander le prix de ce dévouement, à vous, qui êtes fille du roi, et qui devait être généreuse envers votre époux. Fromor, pourquoi me rappeler toujours cette illustre naissance qui a fait tous mes maux et tous les vôtres ? Pourquoi m'accuser de toutes vos souffrances, moi qui ai tant souffert aussi, et d'ailleurs, était-ce bien moi qui était votre but et votre fin ? Était-ce bien moi que vous dévouiez ainsi, Fromor ? Fromor, l'âge et les réflexions m'ont éclairé sur bien des choses. Vous ne m'aimiez pas. Je n'étais qu'un moyen pour arriver à la réalité de vos rêves, un instrument qui s'est trouvé sous votre main. Oh, ne croyez pas m'échapper en mettant tous mes malheurs sur le compte de mon ambition, s'écria le vieillard. Si j'avais réussi, vous auriez profité de mes succès. Je suis tombé, et les plus cruels supplices ont été pour moi, pendant que vous viviez calme, sinon heureuse, dans le silence du cloître. Je vous le répète, Maria, il me faut une récompense. Fromor, que puis-je faire ? Voyez, je ne suis qu'une religieuse, sans force, sans crédit, enfermée dans un couvent où je dois mourir. Vous êtes fille du roi ? Reprit Fromor avec insistance, et je sais qu'on s'en souvient. Oh non, non, Fromor, vous vous abusez, vous ne savez pas. Mais vous ne savez donc pas vous-même ce que peut une fille qui implore son père quand ce père est vieux, quand il est faible et mourant, quand il a sur le cœur le poids d'une injustice. Maria, quand le roi de France vous a repoussé loin de lui, il était heureux et fier, entouré d'une nombreuse famille qui faisait sa joie. Mais aujourd'hui, Maria, si vous apparaissiez un moment dans son palais désert, si vous vous prosterniez devant ce village miné par le regret, si vous lui disiez, « Sire, il vous reste, avant de mourir, une grande injustice à réparer. Sire, je suis votre fille, et je n'ai jamais reçu ni vos caresses ni vos faveurs. J'étais jeté dans un cloître, sans avoir jamais connu ni la puissance ni la gloire auxquelles ma naissance m'avait donné droit. J'ai vécu comme une orpheline obscure et abandonnée. Sire, pour tant de privations et de sacrifices, je ne vous ai jamais demandé aucune grâce. Maintenant, un homme à qui je suis lié par les liens les plus sacrés, un homme qui a supporté toute sa vie des douleurs infinies à cause de moi, viens me demander une compensation à tant de maux. Sire, c'est à vous, qui êtes grand et généreux, d'acquitter la dette de votre fille. Oui, si vous disiez tout cela au roi, à votre père, à ce vieillard, qui sait ce que c'est que l'adversité, si vous le lui disiez avec la voix du cœur, en élevant vers lui des mains suppliantes, Maria, croyez-vous qu'il vous repoussa ? Et moi, Maria, si une fois j'avais un pied sur les degrés de la fortune, me croyez-vous déjà si débile et si usé que je ne me sente le courage et la volonté de parvenir au fait ? En prononçant ces dernières paroles, sa physionomie s'était animée, ses yeux rayonnaient d'espérance. L'amoureuse le regarda un moment sans rien dire, puis elle reprit avec un sourire amer. « Fromor, vous parlez comme un insensé. Vous ne savez pas combien les sentiments de la nature sont peu de choses auprès des impérieuses exigences du rang suprême. Je pourrais faire l'imprudente démarche dont vous me parlez, que je serais repoussé avec dédain. Il faut pourtant, Maria, dit Fromor d'un ton menaçant, que vous me juriez devant ce crucifix d'aller implorer votre père pour votre époux. Fromor, je ne le puis. Je parlerai à madame maintenant. Je solliciterai. Ce n'est pas assez. Il me faut une démarche éclatante, solennelle. Il me faut un haut rang, du crédit, des richesses. Il me faut tout cela. Entendez-vous, Maria ? Et c'est encore bien peu. À cet élan de colère, À ces injonctions superbes, la Moresse se leva avec une imposante dignité. Voilà donc où tendaient tous ces projets dont j'étais la première victime. Sortez, monsieur, ou j'appelle au secours, et je ne réponds pas des événements funestes qu'ils pourront suivre si l'on vous trouve ici. En même temps, elle s'approcha du cordon de la sonnette pour faire venir les converses qui couchaient dans la chambre au-dessus de la sienne. Arrêtez, dit Fontmort d'une voix sourde et saccadée. Maria, vous ignorez jusqu'où peut aller un homme qui n'a qu'une espérance et qui la voit s'échapper. Sortez, sortez, répéta la religieuse en faisant quelques pas vers le corridor de la sonnette. Maria, vous ne me chasserez pas comme un laquais. Malheur à vous si vous me bravez dans mon désespoir. Et en même temps une arme brilla dans ses mains au pâle reflet des lumières. Le visage de la Moresse prit en ce moment une expression sublime d'orgueil et d'intrépidité. Vous m'avez dit souvent que j'étais fille du roi, dit-elle avec une fermeté majestueuse. Je vais vous prouver que je suis digne de l'être, en affrontant la mort dont vous me menacez avec tant de lâcheté. Et elle tira violemment le cordon de la sonnette. Fontmort laissa tomber son arme. Un bruit de pas se fit entendre au-dessus de sa tête. Bientôt des cris d'effroi retentirent dans le jardin. La cloche du couvent sonna à grande volée. Des voix aigres de nonnes, auxquelles se joignaient des voix d'hommes plus mâles et plus pleines, semblèrent se rapprocher du pavillon. Alors la Moresse parut effrayée de ce qu'elle venait de faire. « Fuyez, fuyez !» dit-elle à Fontmort, qui restait sombre et indécis. Il ramassa son pistolet et dit à la Moresse avec un rire étrange « Fille de Louis XIV, je souhaite que vous réussissiez à faire nommer trésorière votre protégée sœur Amélie. Adieu. » Il s'élança hors du pavillon. Le lendemain, Chavigny reçut à Fontainebleau, par l'intermédiaire de l'hôtelier Aubertin, un paquet qui contenait la bague de sa mère, le contrat de Fontmort et un billet ainsi conçu. « Vous aviez raison, j'ai perdu la partie. Je vous rends votre promesse et je vous lègue le secret. Il pourra encore faire votre fortune. Soyez plus beau joueur que moi. » Chavigny remit à son doigt la bague de sa mère et jeta les papiers au feu. Quant à Fontmort, on ne le revit jamais. Seulement, une quinzaine de jours après ces événements, les gardes-chasse trouvèrent dans la forêt de Fontainebleau un cadavre défiguré. Tout proche était un pistolet déchargé. Depuis cette époque, la Moresse, car tel est le nom employé dans les mémoires contemporains pour désigner la mystérieuse personne qui fait le sujet de cette nouvelle, demeura oubliée dans son couvent. Elle y mourut en 1732, sans que le voile qui couvrait sa destinée fût soulevé pour ses contemporains. Cette Moresse et l'homme au masque de fer, dit Anquetil dans son histoire de Louis XIV et du Régent, sont les deux mystères du règne de Louis XIV. On voit encore son portrait à la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris, parmi les portraits des rois et des reines de France. Il est connu sous le nom de religieuse de Moret. Ainsi s'achève La nièce du masque de fer par Élie Berthet.